Le général Yepanchin s'en alla, et je songeai qu'en dépit de 3 ou 4 tentatives, je n'avais toujours pas réussi à lui parler de l'affaire qui me tenait à cœur. Gabriel Ardalionitch alluma en silence une cigarette et m'en offrit une autre. Puis, prenant dans ses mains le portrait de Nastassia Philippovna, il me le montra de nouveau. Alors, Nastassia Philippovna vous plaît, prince ? Un visage étonnant que celui de Nastassia Philippovna. Je suis certain que la destinée de cette femme n'est pas banale. Elle est fière, terriblement fière, Gabriel Ardalionitch. Mais je ne puis affirmer qu'elle soit bonne. Ah, si elle pouvait l'être, tout serait sauvé. Épouseriez-vous une telle femme, prince ? Je ne puis épouser personne, Gabriel Ardalionitch. Je suis malade. Et Rogojine, l'épouserait-il, selon vous ? Parfaine Rogojine. Il l'épouserait sur le champ, s'il le pouvait. Mais il serait bien capable de l'égorger une semaine plus tard. Vous voulez sans doute savoir qui est vraiment Nastassia Philippovna ? Si vous devez commettre une indiscrétion, taisez-vous plutôt. Une indiscrétion ? Vous voulez rire, prince ? Tout Saint-Pétersbourg en fait des gorges chaudes. Mais écoutez, prince, vous apprendrez quelle bassesse peut atteindre l'âme humaine. Cet Afanassy Ivanovitch Totski dont nous avons parlé possède de riches domaines dans le centre de la Russie. À côté d'un de ces domaines se trouvait la terre d'un pauvre petit propriétaire. Il se nommait Philippe Barashkov. Un jour, il devint fou et mourut. Il laissa une petite fille. Nastassia, sans doute. Oui, prince. Totski la recueillit et se chargea de son entretien et de son éducation. Il la plaça chez son régisseur. 5 ans s'écoulèrent, Totski oublia jusqu'à l'existence même de Nastassia. Mais un jour, Totski eut envie de visiter son domaine. Et il aperçut tout à coup parmi les enfants de son régisseur une charmante fillette d'une douzaine d'années. Elle était vive, aimable et intelligente. Comment le savez-vous ? Parfaine Rogojine vous en a parlé ? Point. Je lis parfois dans le passé, comme dans l'avenir. Cette faculté m'est venue avec la maladie. Lorsque mon corps, terrassé par elle, se débat dans les convulsions, mon esprit s'échappe et vole, pour ainsi dire, à travers l'espace et le temps. La petite Nastassia Philippovna promettait de devenir une beauté. Totski en fut frappé. Il engagea aussitôt pour Nastassia une gouvernante respectable. Et il installa Nastassia et sa nouvelle gouvernante dans une maison de campagne. L'éducation de la fillette fut l'objet de soins particuliers. Outre le français, elle apprit toutes sortes de choses. Cela dura 4 ans, au bout desquels la gouvernante partit. Et une dame, une voisine de M. Totski, sans doute, vint chercher Nastassia. Elle l'emmena dans une province éloignée et l'installa dans un chalet que Totski avait fait spécialement construire pour elle. Allez au diable, prince, vous vous moquez de moi. Vous êtes au courant de cette histoire. Autrement, comment pourriez-vous connaître tous ces détails ? Ne vous mettez pas en colère, Gabriel Ardalionitch. Je suppose qu'une semaine après l'installation de Nastassia dans sa nouvelle demeure, M. Totski fit son apparition. Oui. Et depuis lors, il vint tous les étés dans ce village perdu, qui s'appelait comme par un fait exprès Otradnoï, terre de plaisir. Il y passait 2 ou 3 mois. Rien ni personne ne semblait devoir rompre cette touchante idylle. Quelques années s'écoulèrent. Cependant, tout a une fin, n'est-ce pas ? Et peu de temps après la dernière visite qu'Afanassy Totski avait rendue à Otradnoï, on avertit Nastassia Philippovna que son protecteur allait épouser à Saint-Pétersbourg une jeune fille du monde. Je vois. Et Nastassia Philippovna, en apprenant cette nouvelle, fit soudain preuve d'un grand caractère. Elle qui semblait jusqu'ici n'en posséder aucun. Elle abandonna sa petite maison de campagne et partit toute seule pour Saint-Pétersbourg, retrouver M. Totski. Ce dernier, surpris, essaya de se justifier. En vain. C'était une toute autre femme qui se trouvait devant lui. et elle ne ressemblait en rien à celle qu'il avait laissée à Otradnoï 2 mois auparavant. Nastassia Philipovna lui annonça sans embâche qu'elle n'avait jamais ressenti pour lui autre chose qu'un profond mépris. Oui, je vous méprise, comme je n'ai jamais méprisé un être humain. Votre seule vue me donne la nausée. Mais laissons cela. Je ne suis pas venue pour vous dire ce que j'ai éprouvé à votre endroit depuis le jour où vous avez fait de moi une adolescente pure. Ce que je suis. Je suis venue pour empêcher votre mariage. Pourquoi? Pourquoi me demanderez-vous? Eh bien parce que tel est mon bon plaisir, monsieur. Maintenant, c'est à mon tour de me moquer de vous, de vous railler, de jouer avec vous comme un chat avec la souris. Afanassy Ivanovitch Totski, en écoutant le rire hystérique et les paroles insensées de Nastassia Philipovna, avait vite compris qu'il avait affaire à une femme qui ne s'arrêterait pas à de simples menaces, mais les mettrait à exécution. D'autant plus qu'elle semblait ne tenir à rien au monde et à elle-même moins qu'à tout le reste. Vous saisissez, prince ? Je crois comprendre, Gabriel Ardalionitch. Nastassia Philipovna était capable de se perdre et sans retour, de risquer la Sibérie, le bagne, pour déshonorer celui à qui allait sa haine. C'est cela même, prince. Afanassy Totski le comprit. Et comme le mariage n'avait pas encore dépassé le stade du projet, il s'inclina devant la volonté de Nastassia Philipovna. Il l'installa très confortablement à Saint-Pétersbourg et se montra de nouveau empressé auprès d'elle. En réalité, il cherchait en secret un mari convenable pour son ancienne maîtresse. Lorsqu'il l'eut trouvé, c'était un fonctionnaire de province, il le présenta à Nastassia Philipovna. Et Nastassia Philipovna lui rit au nez. C'est exact, prince. Alors Afanassy Totski en dénicha un autre, cet autre subit le même sort. Et M. Totski imagina alors que Nastassia Philipovna attendait qu'il la demandât lui-même en mariage. Oui. Mais à son vif étonnement, Afanassy Totski devait bientôt se rendre compte que s'il offrait à Nastassia Philipovna de l'épouser, celle-ci déclinerait son offre. Il en fut tout à fait déconcerté. Il répétait à qui voulait l'entendre, « Elle n'a aucun sentiment, son cœur est de pierre. » Le temps passa encore. Nastassia Philipovna continuait à vivre solitaire, s'adonnant à la lecture et faisant de la musique. Elle recevait peu et ne sortait presque jamais. Afanassy Totski, qui venait assidûment la voir, était au désespoir, pris entre la peur que lui inspirait son ancienne maîtresse et son désir violent de refaire sa vie, il dépérissait à vue d'œil. Un jour, n'en pouvant plus, il conçut un plan quasi criminel pour rompre définitivement les liens qui l'attachaient à Nastassia Philipovna. Mais avant de le mettre à exécution, il avoua tout au général Yepanchin. Parfaitement. Car Totski rêvait de recommencer sa vie avec la fille aînée du général. C'était « L'idiot », un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, Pierre Noël et Sylvia Montfort. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.